sauce, je suis là pour décoincer les putes et les instables. Fuck, insta, si dans la vraie vie t'es pour la castagne. Si j'y vais à fond, c'est pour mon équipe. Le petit peu te liquide. Si on fait les comptes, tu payes en litige. Tu vas y avoir pas dev dans les 60s. Dis, je vais viser, mets-toi dans la classe à faire. Non, c'est pour le kiff et pour les tasses, ouais, c'est des viscères comme dans un western. Gros shit, black et des western. Et posé sur la chaise, un mouton klaxon. Fais sur la tête comme Jackson. Je monte à peine comme Dixon. Je vois ça en peine pour petite sœur. Azur, c'est pas monoxyde. Cassure, non, ça a boulot, je suis. Et je vois tout juste comme un vrai sexe. La pute m'appelle pour du vrai sexe. Ouais, je sais que vrai c'est extrême. T'es culte un peu dans les backstage. T'as vu ta baisse dans le miroir. Aucun reflet dans le miroir. Aucun reflet dans le miroir. J'vois aucun reflet dans le miroir, y'a. Aucun reflet dans le miroir. J'vois aucun reflet dans le miroir, y'a. Aucun reflet dans le miroir. J'vois aucun reflet dans le miroir, y'a. Aucun reflet dans le miroir. Ma putain c'est frites, c'est bourre, toi tu prouves quelque chose, hein. J'fais des mouvements de cash comme Sina, wow wow wow. J'suis partout dans le monde comme vagabond, regarde la confie, traîne pour des darons, hein. 8h du matin, regarde sans problème dans le salon, j'suis fort comme baron, hein. J'vous préviens tout de suite, à jour à jour, j'dois tout clarifier. Là on est entre nous, taper ta varie pour venir s'amuser. J'veux les temps planteurs, pas la rarité, t'es voué à l'échec comme Marine. C'est les bonnes attaques comme Radine, la pollution en foule, les gens sont enfarés. Je te trouve si calme, y'a que de la merde sur tes chicanes. Mais pourquoi tu ricanes? T'as aucun liquide dans je ricane. Je te trouve si calme, y'a que de la merde sur tes chicanes. Mais pourquoi tu ricanes? T'as aucun liquide dans je ricane. Je te trouve si calme, y'a que de la merde sur tes chicanes. Mais pourquoi tu ricanes? T'as aucun liquide dans je ricane. Je te trouve si calme, y'a que de la merde sur tes chicanes. Mais pourquoi tu ricanes? T'as aucun liquide dans le jerrycan.